Martiniquaise. Nous émettons depuis Bujumbura. Bonjour et bienvenue à tous à cette grande édition de la mi-journée dont voici d'abord la charpente. Le parti CNDD se dit inquiet du sort des Burundais réfugiés en Tanzanie. Pour ce parti, un rapatriement doit être volontaire, ce qui n'est pas le cas pour ces Burundais en provenance de la Tanzanie. Mais du côté du ministère de l'Intérieur, on parle de fausses informations. Le directeur de la régie des eaux dévoile qu'une dette de 50 milliards de francs burundais est la somme que les clients doivent à cette société, ce qui freine son fonctionnement. Et on va faire un petit saut à Kanyosha, où les écoliers continuent à se préparer pour le test d'admission dans les écoles d'excellence. Le développement, c'est juste après. La mise en onde est assurée par Elie Kadogo. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Commençons par la politique. Le parti CNDD dit regretter un rapatriement qu'il qualifie de forcé les réfugiés burundais se trouvant sur le sol tanzanien. Le porte-parole de ce parti estime que ce rapatriement doit être volontaire suivant les instruments internationaux. Gaspard Kowako ajoute que s'il y a usage de force, cela pousse ces rapatriés à vouloir regagner l'exil. On l'écoute. Les dispositions de ces instruments internationaux interdisent formellement qu'il y ait une pression sur des réfugiés pour qu'ils rentrent dans le pays d'origine. C'est d'abord au réfugié lui-même qui sent la paix à partir du moment où il a été sensibilisé, mais aussi il recueille des informations, même dans le pays d'asile, qui lui donne l'opportunité de dire « maintenant c'est le moment de rentrer ». La question du rapatriement appartient au premier chef au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui, en collaboration avec le pays d'accueil, c'est-à-dire la République unie de Tanzanie, et le pays qui est à l'origine de la fuite de ces réfugiés, travaille de concert pour qu'il y ait un rapatriement. Sinon, ça devient un rapatriement forcé. Et c'est contre la loi, c'est contre les instruments internationaux. Les autorités burundaises disent toujours qu'il y a la paix et la sécurité. Il y a ce qui est dit, il y a ce qui est vécu. Je crois que pour des raisons de propagande, c'est de bonne guerre que les autorités disent qu'il y a la paix et la sécurité. Dès lors qu'un réfugié sent qu'il est temps de rentrer, souvent il ne le demande pas. Mais en passant par le HCR, qui en avertit le pays d'accueil et le pays d'origine, ils s'entendent pour qu'il y ait un rapatriement digne, humanitaire, organisé, mais aussi avec tous les accompagnements de ce rapatriement. Parce que le rapatriement spontané, il cause des problèmes. Le rapatriement qui est forcé cause des problèmes parce que c'est ce qui pousse les rapatriés de force à retourner encore une fois dans le pays d'asile. Ceci cause des problèmes. De son côté, le porte-parole du ministère burundais de l'Intérieur, ministère hébergeant la direction du rapatriement, parle d'une fausse information. Terence Nahiraja précise qu'après la tripartite de mars de cette année, les réfugiés burundais continuent à regagner le pays. On l'écoute. À mon avis, en fait, je trouve que c'est une fausse information qui circule ici à droite parce que il n'y a en aucun cas une force en ce qui concerne le système de rapatriement dans lequel les Burundis se trouvent à l'étranger. Pourquoi? Il y a déjà deux accords tripartites qui sont signés parmi lesquels circulent les dispositions qui interdisent de forcer toutes les personnes se trouvant dans le cadre de réfugiés de rentrer par force. Souvenez-vous qu'en août 2017, il y a une réunion tripartite à Dar es Salaam parmi les dispositions sur cet accord. Il est stipulé que tout Burundais qui le veut peut rentrer, mais pas par force. Après, justement, la première réunion, au 31 décembre, plus de 13 000 Burundais ont été facilités pour rentrer au pays. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, en mars, il y a également une deuxième tripartite. Parmi les accords également, c'est bien stipulé que tous les Burundais doivent rentrer volontairement et facilités. Et au moment où je vous parle, depuis justement la première tripartite jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 35 000 Burundais répartis en plus de 12 000 ménages. Donc, c'était pour vous dire qu'en fait, personne n'est forcé. Celui qui serait en train de le faire serait en train de violer les droits de l'homme. Isanganiro, la radio de l'avenir. 13h02 dans les studios de la radio Isanganiro et le journal continue. De nouveaux règlements d'ordre intérieur régissant le mouvement scout vont se focaliser sur l'égalité de genre en vue de promouvoir une société inclusive. Cela est dit par Magnus Mahonda, commissaire général de l'Association des scouts du Burundi, lors d'un forum national des guides et scouts qui se tient ce jeudi sous le thème « Vivons dans une société inclusive ». Suivons Magnus Mahonda. Comme vous le savez, nous avons un forum national qui se déroule ici. C'est un forum national sur le genre. L'association des scouts du Burundi et l'association des guides du Burundi font partie d'une dynamique des scouts et guides de Grand Lac. Dans cette dynamique, nous faisons beaucoup d'activités, surtout en matière d'éducation à la paix. Et alors, nous savons que parmi les causes qui peuvent perturber la paix, il y a la notion de genre. Le respect de la dimension genre, s'il n'est pas respecté, il peut aussi être à la cause de la perturbation de la paix. Alors, pour consolider la paix, nous avons pensé aussi à inclure la notion de genre dans nos activités, dans nos programmes, pour qu'il y ait équitabilité dans la représentativité entre hommes et femmes. Concrètement, ce que nous allons faire, c'est d'abord la sensibilisation de nos scouts et guides pour qu'ils comprennent que eux aussi, et les scouts et les guides, les filles et les garçons, sont capables. Après avoir compris qu'ils sont capables, ils vont chercher à occuper des postes au niveau de nos structures. Mais aussi, il faut aussi qu'il y ait une réglementation, c'est-à-dire que nos règlements d'ordre intérieur devraient inclure la dimension genre dans leur conception, qui est parité dans la représentation à tous les niveaux, à tous les échelons, que les garçons et les filles soient représentés au même pied d'égalité. C'était Magnus Mahonda, commissaire général de l'Association des scouts du Burundi. Allons vers Ngozi, où les conditions de vie des nourrissons se trouvant avec leur mère dans la prison pour femmes de cette province s'améliorent de plus en plus suite à la Fondation STAM qui a mis en place un centre qui accueille tout nourrisson ayant atteint 3 ans et qui doit être récupéré par sa mère après sa libération. Cela est dit par la directrice de cette maison de détention. Elle indique qu'il y a des enfants qui allaient jusqu'à avoir 6 ans étant encore dans cette prison. Apollinaire Muzagara. Cette prison pour femmes d'Ngozi compte actuellement 23 nourrissons de moins de 3 ans qui sont avec leur mère. Ceux qui n'avaient pas de famille d'accueil grandissaient dans cette maison de détention. C'est un offre de soulagement donc pour le moment, car la Fondation STAM récupère tout nourrisson qui a atteint 3 ans pour le mettre dans un centre qu'il a mis sur pied au quartier Burengo de la ville d'Ngozi. Chose saluée par Devote Singirangabo, directrice de cette prison. Elle précise qu'il y en avait, qui atteignait l'âge de débuter l'école primaire étant toujours dans cette maison de détention. Ces enfants sont récupérés par leur mère après leur mise en liberté, annonce cette directrice. Avec une capacité d'accueil de 250 personnes chez les femmes et 36 pour les mineurs, cette prison compte actuellement 103 femmes et 10 mineurs, parmi elles 56 femmes condamnées et 3 filles mineures condamnées. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Parlons éducation à présent. L'Union pour la promotion de l'enseignement privé au Burundi plaide pour un délai de grâce de 3 mois aux écoles fermées récemment pour se conformer aux exigences du ministère de l'Éducation, de la formation technique et professionnelle. Dans une correspondance adressée à ce ministre, François Nguedze, président de cette union, indique que le délai accordé à ces écoles privées pour suivre les instructions données n'a pas été respecté. On l'écoute. Nous voudrions revenir sur certaines mesures qu'elle a prises à l'endroit de certaines écoles privées, notamment la fermeture des établissements, la fermeture des sections et des filières dans certains établissements. Mais également, nous voudrions revenir sur des lettres et un rapport avec les demeures qu'elle a adressées à certaines écoles privées. En gros, c'était pour lui demander de pouvoir réanalyser la situation pour que nous puissions avoir, pour ceux qui ont eu les écoles fermées, pour qu'il puisse y avoir une année, comme l'indique le document que le ministre lui-même a produit, et un trimestre, en ce qui concerne les demeures, pour les écoles qui n'avaient pas du tout su qu'il y avait certaines choses qu'il fallait remplir avant de continuer les sections qu'ils avaient traditionnellement. Ce qu'elle a dit dans son ordonnance de 2016, il a donné du temps aux écoles privées de se conformer à cette ordonnance. Et elle a donné 3 ans. Or, maintenant, il a pris la décision avant l'expiration de la période. C'est-à-dire, il a pris la décision après 2 ans pour reformaliser la demande d'autorisation d'ouverture. Nous pensons également que de ce côté-là, il y a certaines réglementations qui n'ont pas été suivies. Quand on doit avoir une mise en demeure, il faut avoir eu au moins 2 avertissements. Alors maintenant, nous lui demandons de tout faire pour qu'il puisse donner 3 mois de grâce, c'est-à-dire un trimestre, à ceux-là pour qu'ils se conforment à ce qu'ils voudraient qu'on fasse. Le bas prix du café non proportionnel à ses exigences, le manque de fertilisants et le manque de tenue appropriée pendant la pulvérisation du café sont quelques-uns des défis que les caféiculteurs ont soumis aux acheteurs de ce produit agricole venant de différents pays. C'est ce mercredi, lors de la clôture de la compétition Cup of Excellency. Ces acheteurs conseillent aux cultivateurs de privilégier le dialogue avec les stations de lavage pour que le coût de leur café puisse s'accroître. Continuons ce journal en vous parlant d'un fait de société. Près de 50 milliards est la somme que les clients de la Régie des eaux doivent à cette société, car dans les institutions publiques, Siméon Raonimana, directeur de la Régie des eaux, demande le soutien de l'État pour faciliter le remboursement de ses dettes. C'était lors d'une réunion avec le deuxième vice-président de la République, avec les directeurs des entreprises para-étatiques. Il indique également qu'il va lutter contre le vol qui s'observe dans cette entreprise. Nous continuons avec ce journal. La clientèle d'Econet Léo va désormais payer les unités de l'électricité Cash Power via le système de PayWay, sans toutefois devoir se déplacer. Cela ressort d'un accord de partenariat entre Econet Léo et PayWay. Anaïs Cuizera, chargée du marketing au sein de l'entreprise Econet Léo, indique qu'un système de sécurisation est prévu pour ce nouveau produit. Allons vers Kanyosha pour vous dire que les préparatifs aux tests d'entrée dans les écoles d'excellence vont bon train. À l'école Saint-Dominique, se trouvant dans la zone Kanyosha au mairie de Bujumbura, des exercices de révision dans les cours de mathématiques et français sont donnés aux 5 premiers élèves sous l'encadrement de leurs enseignants. Certains de ces élèves disent être prêts pour passer ce concours. Gertrude Maunayo pour plus de détails. À l'école Saint-Dominique, se trouvant en zone Kanyosha de la commune Emuha à mairie de Bujumbura, 5 premiers élèves de la 6e année sont en train de faire les exercices de révision dans le cours de français dans le but de se préparer pour le test d'entrée à l'école d'excellence. Noëlla Honorine Ineza, un de ses élèves, dit qu'elle continue à réviser même à la maison. Bien, on prépare bien les calculs et le français. On prépare des exercices. Vous faites ces exercices ou à l'école même ou bien? À l'école même. Quand vous arrivez à la maison, est-ce que vous prenez du temps pour réviser la matière? Oui, on refait les exercices. Est-ce que tu vois que tu es prête pour faire l'examen? Oui, je me sens heureuse et je veux trouver cet examen. Kevé Espoir Kalourou, il est le deuxième de la classe avec 90,5%. Quant à lui, il est prêt à passer le test et espère qu'il réussira comme il le dit. Je me prépare bien, je suis prêt même aujourd'hui. Nadine Vizindavi, une enseignante qui encadre ses élèves, indique que le choix des cours de français et mathématiques a été motivé par le fait que ce sont ces mêmes cours qui faisaient objet du test d'entrée à l'école d'excellence l'année scolaire passée, tout en espérant que ça sera de même pour cette année. Parmi 3 élèves de l'école Saint-Dominique qui avaient passé ce test d'entrée à l'école d'excellence l'année scolaire qui vient de s'achever, un a réussi ce test à 100%, comme le dit l'enseignante Nadine Vizindavi. Radio Isanganiro, chronique justice. Dans la chronique justice de ce jeudi, on vous parle de différentes sortes de mandats qui sont émis généralement par le ministère public ou l'officier de police judiciaire. Ces mandats sont de cette sorte, dont le mandat de comparution, le mandat d'amener, mandat de perquisition et autres. Cette matière se trouve dans le code de procédure pénale. Oban Yonguru s'est entretenu avec Maître Dieudonné Nitunga. Cette matière se trouve dans les articles 395 à 401 du Code de procédure pénale du 21 mai 2018. Maître Dieudonné Nitunga nous définit ce qu'un mandat selon la loi. Les mandats de justice sont des ordres écrits et mandats d'un magistrat d'une juridiction et auxquels la loi attache un effet coercitif. Ils permettent d'assurer la comparution en justice des inculpés. Et si nécessaire, de les priver de leur liberté, durant un temps qui, le plus souvent, est déterminé. Ces mandats sont généralement émis par l'officier du ministère public. Dans certains cas, ils peuvent être émis par le juge ou par l'officier de police judiciaire. Ils sont de cette sorte. Encore une fois, Maître Dieudonné Nitunga. Généralement, on distingue cette sorte de mandats sont prévus et réglementés par le code de procédure pénale datant du 11 mai 2018 pour la modification du code de procédure pénale. C'est un code très récent qui vient abroger l'autre code de procédure pénale qui était en vigueur. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le mandat de comparution. Il y a aussi le mandat d'amener. Il y a aussi le mandat de perquisition. Il y a aussi le mandat d'arrêt. Il y a aussi le mandat d'extraction. Il y a aussi ce qu'on appelle mandat de prise de corps. Il y a aussi mandat d'élargissement. C'est ça en général les principaux mandats prévus par notre code de procédure pénale. Cet avocat explique la fonction de certains de ces mandats. Il commence par le mandat de comparution. Le mandat de comparution est un ordre écrit donné par la magistrat du parquet à la personne innommée de se présenter en date devant l'officier de la police judiciaire. Le mandat de comparution ne constitue ni un titre de rétention ni un titre de détention. Il ne peut être mis en exécution par la force publique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'une personne est recherchée par une justice, s'il est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime, ou soit le ministère public peut se saisir lui-même, s'il est plainte, peut vouloir interroger la personne en question. C'est pourquoi il est mis en mandat de comparution. C'est-à-dire qu'il peut comparaître volontairement. Pour le mandat d'amener, ça commence à être trop sérieux. Un mandat d'amener est un écrit donné à la force publique par un magistrat du parquet. Cette fois, c'est le parquet. Un mandat de comparution peut être émis par un officier de police judiciaire. Mais un mandat d'amener, c'est un magistrat du parquet. Dans ce cas, par le juge, pourquoi? De conduire devant lui la personne nommée à réseau de service ou de charge qui pèse sur elle ou parce qu'elle a refusé de comparaître, soit c'est une station lui adressée régulièrement par une juridiction de jugement au ministère public. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le mandat d'amener, ce n'est pas pour détenir, c'est pour rapprocher la personne de la justice. C'est généralement les policiers qui sont chargés d'exécuter le mandat d'amener. C'est-à-dire qu'il a refusé de comparaître par simple comparution. Il a une validité de 3 mois. C'est-à-dire que si elle ne renouvelle pas le mandat d'amener, c'est-à-dire qu'au-delà de son acte de validité, peut-être exécuté, c'est-à-dire qu'il est déclaré faux. Dans la prochaine chronique justice, on vous parlera des autres sortes de mandats, dont le mandat de perquisition, mandat d'arrêt, mandat d'extraction et d'autres. Merci Aubin pour cette chronique et au maître Dieudonné Nitunga. Merci également, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.